L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez un nouveau épisode de la Radio Pokajou internationale. Je suis Mélissa Suarez-El-Real, comme d'habitude, très contente de vous accueillir dans cet espace consacré entièrement à notre île. Aujourd'hui, on va s'intéresser par l'une des divinités les plus importantes et les plus adorées à Pokajou. Il s'agit de Nénépil. C'est une divinité qui a un visage et un corps d'enfant. Et c'est justement à lui que les artisans de jouets, les enfants, les nouvelles mères considèrent leur patron. Puisqu'on vient de célébrer justement la fête des enfants à Pokajou, on va commencer notre émission avec cette chanson appelée Niña, ou Petite Fille en espagnol, du groupe chilien Petinelis, qui en fait n'existe plus, mais que pendant les années 2000 était assez célèbre parce que l'un de ses membres était aussi partie du groupe aussi très célèbre Los Tres de Chile. Voici Petinelis. No se va a saber. On est de retour à la Radio Pocahou internationale. Je suis Mélissa Suarez El Real. Comme vous venez d'entendre cette matinée, on vous propose de découvrir le monde et le culte de Nénépil, cette divinité pocahoutienne. Pour recommencer, je voudrais bien lire un extrait du Punégé, le livre sacré des Pocahoutiens. Nénépil naquit après Tissac et fut le dernier enfant de Punach, déesse créatrice. Avant lui, il y eut Tutuk, Kapak, Hapek, Rupak et Tikaha. Punach, très occupé par sa progéniture, ne réussit pas à l'allaiter. Ainsi, Nénépil ne put grandir et resta petit comme un enfant pour toujours. Tous ses frères avaient déjà tissé des liens très étroits depuis leur enfance, et malgré les efforts de Nénépil pour faire partie de leur jeu, il fut tenu à l'écart. C'est de cette façon que Nénépil trouva sa place parmi les dieux et devint la divinité des enfants. D'entendre La bulle de Pépin de François de Roubaix, un générique d'une série télé qui date des années 80. Je voudrais continuer notre émission avec le récit extrait du Punégé, le livre sacré des Pocahoutiens, en spécial cette partie qui parle de Nénépil, la divinité des enfants. Un jour, alors que ce frère jouait violemment et qui n'était pas convié, Nénépil commença à créer des morceaux musicaux très simples qu'il joua avec son pipeau. C'était justement un cadeau qui lui avait été offert par son frère aîné Plikaplaka, le seul à lui porter un peu d'attention. Il en fut comblé et à partir de ce jour-là, il continua à composer et à jouer des morceaux dont la caractéristique principale était la simplicité. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un morceau, c'est un extrait du quatrième Kora, l'un des divisions du Punégé, le livre sacré, où il est recueilli justement l'histoire de Nénépil et son rapport avec la musique. Au cours du XVe siècle, après l'épidémie de fièvre bleue, la population commença à s'accroître et l'arrivée de nouveaux-nés marqua une nouvelle étape dans l'économie pocahoutienne. Les compagnons du jouet et les nourrices se fédérèrent et trouvèrent en Nénépil leur patron. Dès lors, ils offrirent des jouets, des dents de lait, des bonbons et surtout de la musique. Cette tradition qui commença il y a 6 siècles reste toujours vivante chez les Pocahoutiens. Pour illustrer l'aura de Nénépil, je vous propose d'écouter ce morceau. C'est une chanson qui est justement formée à partir de plusieurs chansons d'enfants qui sont très courants en Amérique latine. Allá en la silla hay una mona que tiene los ojos más lindos y un lucero encantador. Ay, mona, acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora por quererte tanto, mona. Por quererte tanto, mora. ¿Cuándo llegará? Noche buena. ¿Cuándo llegará? Año nuevo. ¿Cuándo volverá? De Matanza me han dado un recado y me han dicho que a ti te lo dé. De Matanza me han dado un recado y me han dicho que a ti te lo dé. Si me pides el pecado te lo doy, si me pides el pecado te lo doy. Para pantalón y saco traigo perchero barato, para pantalón y saco traigo perchero barato. Túnico de a medio paso, zapatico de asentén. Túnico de a medio paso, zapatico de asentén. Si me pides el pecado te lo doy. Pides el pecado, te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Si me pides el pecado, te lo doy. Allá en el muelle hay una china que me espera. Allá en el muelle hay una china que me espera. Se llama María Lao, se llama María Lao. Ay, parmi les offrandes les plus étonnantes qui ont été offertes à Nénépil, on trouve justement le palais de lait. C'est l'œuvre d'un ancien fabricant de maisons de poupées qui est tombé en faillite suite à la crise économique des années 90, à Pocahou bien sûr. Puisque son entreprise ne pouvait pas remonter, il s'est consacré à la création d'un palais construit que avec des dents de lait. Membre d'une famille nombreuse, l'ensemble de neveux, nièces a donné la matière première pour la fabrication d'une façade spectaculaire. Son savoir-faire d'artisan et sa passion pour l'architecture, notamment pour l'art nouveau, a donné comme résultat ce petit palais consacré à Nénépil. Il se trouve à Watanabampo, une province à l'intérieur de Pocahou. Au cours des années 90, il est devenu célèbre pour cette façade et une vraie armée de familles envoyait les dents de lait de leurs enfants pour qu'ils puissent achever son œuvre. Ce palais, souvent comparé avec les travaux de Gaudi, a été primé avec le prix national d'architecture et il a été ajouté à l'ensemble de monuments religieux protégés de Pocahou. Je vais vous laisser justement avec une berceuse, une chanson aussi dédiée à Nénépil, pour monsieur Mathieu Bougartz quand il est venu à Pocahou visiter le palais de lait. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous nous rejoindrez dans la prochaine émission de la Radio Pocahou International sur Campus FM. À la prochaine. Thank you. Si il rêve si fort, si il rêve toujours, c'est grâce aux petits airs qui lui tournent autour. Jouez-lui la cassette, celle avec la trompette, la basse et la batterie, il va adorer mi, fa, sol, la, si, si. Attention à ne pas couper le son, s'il vous plaît ne tournez pas le bouton. Attention à laisser toute la chanson, s'il vous plaît laissez-la tourner en rond, rond, rond, rond, rond, rond, rond. Tous ces petits câlins collés à son oreille jusqu'au petit matin lui ont porté conseil. La petite musique dans la tête à Patrick, avec elle grandira. Fermez les rideaux, ré, mi, fa, sol, la, la. Radio Pocageux International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine!